Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Premier épisode. Je suis retourné souvent à Killybegs, dans la maison de mon père. Aujourd'hui encore, il n'y a pas l'électricité, ni l'eau. J'ai laissé le cottage comme ça, pour garder sa part de traces et d'ombre. Pour maman, ranimant la cendre, accroupie devant la cheminée, main en cornet sur ses lèvres. Pour mon père, assis à table, poing sous le menton, en attendant que la pluie cesse. Sheila, ma femme, n'a jamais aimé me suivre ici. Elle dit que c'est un caveau, que l'ombre mauvaise de mon père, Patrick Meehan, passe dans mon regard quand je suis sous son toit. Je suis souvent retourné dans la maison de mon père, mais c'est pour mourir que j'y suis revenu il y a 4 jours. Sans ma femme, sans mon fils, seul, arrivé en quart de Dublin. Sheila m'a rejoint 2 jours plus tard, pour 1 heure. Elle m'a apporté des vivres, de la bière, de la vodka, la crosse de hurling de mon frère Shayna, et elle est repartie pour Belfast. Je ne voulais pas qu'elle reste. Trop dangereux. Jack, mon fils, devrait venir me voir aux premières heures de janvier. Sur le mur de la cuisine, j'ai dessiné au crayon noir une sorte de calendrier, comme ce que nous faisions en prison, pour ne pas perdre la notion du temps. 24 décembre 2006. Une barre par jour, une botte par semaine. Après 3 jours cloîtrés dans la maison de mon père, j'ai pourtant renoncé à me cacher. Ce matin, je suis allé au village, acheter un cahier et quelques stylos. Je veux écrire. Pas avouer, encore moins expliquer, mais raconter. Laisser une trace. Comment vas-tu? Ça va. Je suis allé au village ce matin. Ne va pas dehors, Tyrone. Ce n'est pas prudent. Écoute, j'arrive demain. Je ne veux pas te laisser seule. Ma place est avec toi. C'est impossible. Mais ils vont venir, Tyrone. Ils vont venir. Bien sûr, ils viendront. Ils étaient déjà venus, d'ailleurs. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai nettoyé le mot traître barbouillé au goudron noir sur la chaux du mur. Et puis quoi? Attendre à Belfast, ici, derrière les rideaux de la maison ou devant mon verre au pub? Quelle différence! J'ai décidé. Chaque soir, je passerai la porte du Malins. Boire la bière de mon père. Occuper sa table ronde, adossée au mur ocre, entre les fléchettes et les toilettes pour hommes. Sa fenêtre, son seuil, son perron d'ivresse. Aujourd'hui, ma première pinte a même été pour lui. Je l'ai bu les yeux clos. Et puis j'ai regardé le pub. Tout avait changé, rien n'avait changé. Le parquet gardait les traces des pas anciens, des bières renversées, des brûlures de tabac. Il traînait partout des éclats de noix. Je me suis senti bien. J'ai sorti le Slater de ma poche. La balle de hurling que Tom Williams m'a offerte il y a 60 ans. Lorsqu'il me l'a lancée, une nuit en pleine rue, elle était blanche, presque neuve. Aujourd'hui, elle n'est même plus ronde, même plus lisse, même plus balle. Et puis j'ai posé le cahier sur la table ronde. Un cahier d'enfant, avec une couverture vert pays. J'ai hésité. Je voulais écrire « Le journal de Tyrone Meehan » sur la couverture, mais j'ai trouvé ça trop prétentieux. Confession non plus ne me plaisait pas. ni révélation. Alors je n'ai rien noté du tout. À la sixième pinte, j'ai écrit quelques mots sur la première page de droite. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. Il y aura les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi, et j'en rage. N'écoutez rien de ce qu'ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez-vous de ceux qui diront m'avoir connu. Personne n'a jamais été dans mon ventre. Personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Québec, le 24 décembre 2006. Tyrone Meehan. Et puis je suis rentré. J'ai remonté la rue, dépassé les frontières du village. Je suis retourné dans la maison humide et noire. Le sweater de Tom serré dans la poche. Je n'étais pas ivre. J'étais vertigineux. Soulagé. Inquiet. Je venais de commencer mon journal. Quand mon père me battait, il criait en anglais, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça. Il frappait bouche tordue, en hurlant des mots de soldat. Quand mon père me battait, il n'était plus mon père, seulement Patrick Meehan. Gueule cassée, regard glacé, Meehan vent mauvais qu'on évitait en changeant de trottoir. Comme mon père avait bu, il occupait l'Irlande comme le faisait notre ennemi. Il était partout hostile. Sous notre toit, sur son seuil, sur les chemins de Killebegs, dans la lande, en lisière de forêt, le jour, la nuit. Ma mère m'envoyait le chercher au pub. Il faisait nuit, je n'osais pas entrer. J'attendais qu'un homme sorte pour me glisser dans l'aigre de bière. La sueur, l'humide des manteaux et le tabac froid. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, petit ? Je viens chercher mon père, monsieur. Pat, je crois que c'est l'heure de la soupe. Mon père levait la main sur moi en secret, mais quand j'entrais dans son monde, il ouvrait les bras pour m'accueillir. J'avais 7 ans. Je baissais la tête. Je restais debout contre le bar pendant qu'il finissait sa chanson. Je l'écoutais. Et j'étais fier de lui. Quand même et malgré tout. Fier de Pat Meehan. Fier de ce père-là. Malgré mon dos lacéré de brun et mes cheveux arrachés par poignées. Lorsqu'il chantait notre terre, les fronts étaient levés et les yeux pleins de larmes. Avant d'être méchant, mon père était un poète irlandais. Et j'étais accueilli comme le fils de cet homme. Quelqu'un me laissait tremper les lèvres dans la mousse ocre brun d'une bière. Mon amertume vient de là. Et je goûtais. Je buvais ce mélange de terre et de sang. Ce noir épais qui serait mon eau de vie. Nous buvons notre sol. Nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des arbres. Mon père avait appartenu à l'armée républicaine irlandaise. Il était volunteer, Ogla en gaélique, un simple soldat de l'IRA, de la brigade du Donegal. Il avait été interné sans jugement par les Britanniques, condamné à mort et gracié. En 1921, lui et quelques camarades s'étaient opposés au cessez-le-feu négocié avec les Britanniques. Il avait refusé l'édification de la frontière, la création de l'Irlande du Nord, le déchirement de notre patrie en deux. Il avait voulu chasser l'Anglais du pays tout entier, se battre jusqu'à la dernière cartouche. Après la guerre d'indépendance contre les Britanniques, ce fut la guerre civile entre nous. Mon père haïssait plus que tout ses anciens frères d'armes rangés derrière la trêve. En 1922, il fut arrêté de nouveau. Mais cette fois par les Irlandais qui avaient choisi le camp du compromis. À 6 ans d'intervalle, il s'était retrouvé dans la même prison, la même cellule. Après avoir été malmené par l'ennemi, il l'avait été par ses anciens compagnons. Il avait été frappé pendant 1 semaine. Pendant ces heures, ces jours et ces nuits de violence, ces salauds torturaient mon père en anglais. Au mois de mai 1923, les derniers Oglas de l'Ira avaient déposé les armes. Et mon père avait vieilli. Notre peuple était divisé. L'Irlande était coupée en deux. Pat Meehan avait perdu la guerre. Il n'était plus un homme, mais une défaite. Il a commencé à boire beaucoup, à hurler beaucoup, à se battre, à battre ses enfants. Il en avait 3 lorsque son armée s'est rendue. Le 8 mars 1925, j'ai rejoint Shane, Roisin, Mary, tassé tête bêche dans le grand lit. 7 autres sortiraient encore du ventre de ma mère. 2 ne survivraient pas. J'ai croisé le courage de mon père une dernière fois en novembre 1936. Il avait décidé de rejoindre la colonne Connolly pour combattre le fascisme en Espagne au sein des brigades internationales. Patrick Meehan n'était pas seulement un républicain. Catholique par nonchalance, il avait combattu toute sa vie pour la révolution sociale. J'y arriverai pas. Pour lui, l'IRA devait être une armée révolutionnaire. Il vénérait notre drapeau national, mais admirait le rouge des combats ouvriers. J'y arriverai pas, Patrick, tu peux pas partir. Il avait 41 ans, j'en avais 11. L'Irlande a perdu une bataille. La guerre, c'est en Espagne qu'elle se joue désormais. Tu me feras pas changer d'avis, je pars demain. Tyrone, Kevin, Anya, Brian, Neil, Sheena, petit Kevin. Si tu pars, nous crèverons tous de faim. 7 enfants, Patrick, 7. C'est trop dur pour une femme seule, je m'en sortirai pas. Tais-toi! Les sœurs de Notre-Dame de la Compassion m'enlèveront les enfants pour les envoyer au Québec ou en Australie, dans les bateaux du père Nugent avec les gamins des rues. C'est ce que tu veux, Patrick Meehan! Tais-toi! Mais tais-toi donc! Voilà, t'es contente comme ça? Mon père regardait son sac qu'il avait jeté dans la cheminée se consumer doucement. Toutes ses affaires brûlaient. Sa vie brûlait. L'Espagne brûlait. Et ses espoirs de revanche. Et ses rêves d'honneur. Y'a pas la taille. N'aide pas. Et toi, suis-moi. On sort. J'étouffe ici. À un angle de rue face à l'église, McGarrigle, le vieux charbonnier, tirait sur le licol de son baudet immobile. Il avait appelé son animal comme le roi d'Angleterre pour le plaisir de lui botter les fesses. Pour toi, McGarrigle, je vais m'en occuper. Mon père était penché sur l'âne, front contre front. Tu sais qui est Patrick Meehan? Tu sais qui tu tiens tête, salopard? Et puis il l'a frappé. Un coup terrible entre l'œil et le naseau. Georges a vacillé, s'est couché sur le flanc. Erin Gobra! Erin Gobra. Irlande pour toujours. Le cri de guerre des Irlandais unis. La phrase sacrée qui ornait leur drapeau vert à harpe d'or. Parlez gaélique, c'est résister, Tyrone. Allez, viens, suis-moi, mon fils. Nous étions le vendredi 9 novembre 1936. Patrick Meehan venait de lever la main sur un âne. Moi, je perdais à la fois un père et un héros. Quatre ans plus tard, un soir de décembre 1940, il a quitté la maison habillé en dimanche pour retrouver sa place au Malens. Il a bu comme chaque jour, beaucoup. Il buvait seul, ne lisait plus, ne parlait plus à personne. Dans son dos, les gens l'avaient surnommé Bastard. Lui, l'ancien de l'IRA, le vétéran légendaire, la grande gueule magnifique, le conteur de veillées, le chanteur de pub. Lui, le joueur de hurling, le plus grand buveur de stout jamais né sur cette terre du Donegal. Ce soir-là, nous l'avons attendu en vain. Tyrone. Tyrone, lève-toi. Faut qu'on aille le chercher. On l'a retrouvé à la sortie du bourg, sur un chemin qui menait à la mer. Il était couché sur la terre gelée, de la glace à la place du sang. C'est en retournant le corps que les hommes de la garde à Shirana ont compris. Mon père était mort en allant à la mort. Il avait rempli ses poches de pierre. Il marchait vers sa fin quand son cœur a lâché. Il voulait partir comme meurent les paysans d'ici, entrer dans la mer jusqu'à ce que l'eau le prenne. Il partait lesté de sa terre, sans mots, sans pleurs. Juste le vent, les vagues et la lumière des morts. Patrick Meehan voulait cette fin de légende. Mon père est parti en pauvre. Le visage écrasé sur le givre. Et ses cailloux pour rien. Après ça, on nous a évités. Nous regarder passer portait malheur. Nous n'étions plus une famille. À peine un troupeau blême. Mes frères, mes sœurs et moi, nous formions une harde pitoyable, menée par ma mère, une louve au bord de la folie. Pendant 3 mois, nous avons vécu de la charité. En échange de choux et de patates, nous aidions au monastère. Lotion et Mary lavaient les couloirs à genoux. Shana, petit Kevin et moi, nous frottions les vitres par dizaines. Anya, Brian et Neil aidaient au réfectoire. Et ma mère restait assise sur un banc du couloir. Bébé Sarah enfouie contre elle, dissimulée entre châle et sein. Je n'étais pas malheureux, ni triste, ni envieux de rien. Nous vivions de ce peu. Puis je suis allé à la tourbe avec Shaina. Tous les jours, pendant 2 mois. Le fermier avait besoin de bras pour transporter la récolte sous le hangar. Tyron, Shaina, mettez les briques en tas. Nous étions une vingtaine de gamins dans les tranchées. Nous étions gelés et tremblants. Nos mottes empilées dans les bras, lourdes comme un copain mort. En échange, le patron nous donnait de la tourbe, du lard et du lait. Joseph Josh Bunn était le plus brave d'entre nous. Et le plus jeune aussi. 6 ans à peine. 9 heures par jour, il empilait avec soin les briquettes glacées, puis lestait la bâche qui les protégeait. Et aussi, il chantait. Il nous donnait du ciel. Il voulait être soldat ou curé. Quelque chose qui serait utile aux hommes. Il était frêle et avait besoin de lunettes. Il serait curé. Le soir, avec mes frères, nous faisions le coup de poing contre la bande de Timmy Gormley, qui se disait le roi des quais. À cause des Gormley, nous avons quitté l'Irlande. Ils ont été la cruauté de trop. Un soir de février, Timmy et Brian ont coincé petit Kevin sur le chemin du presbytère. Mon frère rapportait le lait du fermier à la maison. Timmy a frappé les jambes de mon frère avec une crosse de hurling, notre sport national. Brian a tapé son oreille, poing fermé. Lorsqu'il est rentré à la maison, mon frère boitait. Il tenait serré l'anse du pot de lait, tombé sur le trottoir. Personne ne l'a grondé. Petit Kevin était couvert d'urine. Ses chiens lui avaient pissé dessus. Ma mère a regardé par la fenêtre. Elle avait peur que la bande l'ait suivi. Shane et moi sommes sortis en courant, la rage au ventre. Nous avons traversé le village en hurlant le nom maudit de Timmy Gormley. Shane a jeté une pierre dans la vitrine de l'épicerie où sa mère travaillait. Nous n'avons tué personne. Nous avons renoncé. Nous sommes rentrés. Ma mère avait accepté l'offre de Lawrence Finnegan, son frère. Nous ne pouvions continuer à vivre à Killbegs, entre l'humiliation, l'humidité et les coups. Nous allions quitter notre Irlande, la terre de mon père. Nous allions ailleurs, de l'autre côté. Nous allions traverser la frontière pour la guerre. Maman avait décidé de vendre la maison de mon père. Mais cette tristesse de Pierre n'intéressait personne. Un matin, au petit jour, oncle Lawrence est venu avec son camion de ramoneur. Nous étions le 15 avril 1941, deux jours après Pâques. Oncle Lawrence a compté mes frères et sœurs, comme on donne à l'acheteur de la ville le nom de nos moutons. Nous avons traversé le village. Une femme s'est signée sur notre passage. Tellement d'autres ont continué leur chemin. Ni ennemis, ni amis. Personne pour nous pleurer ou nous maudire. Nous quittions notre terre, et la terre s'en foutait. À la frontière avec l'Irlande du Nord, les Britanniques nous ont fait descendre du camion. Coupez le moteur. Je n'avais jamais vu d'uniforme anglais autrement que dans les regards haineux de mon père. Mettez-vous ici, en ligne. J'ai eu l'impression qu'ils étaient mieux habillés que nos soldats. Peut-être parce qu'ils me faisaient peur. Tu viens te battre contre l'Algérie ? C'était un Irlandais du Nord glissé dans un uniforme britannique. C'est quoi ? L'Algérie ? Ben, les Krauts, les Frises. Faut te réveiller, petit. Les Allemands ! Écarte les jambes. Les bras. Fais voir ton sac. Tu sais pas qu'on est en guerre ? Si, je le sais. Mais non, tu sais rien, l'Irlandais ! Rien de rien ! Lui, c'était un vrai. Un Anglais d'Angleterre. Ne me regarde pas dans les yeux. Tourne-toi. Tournez-vous tous. Les mains en l'air. Et la gueule contre la bâche. Tourne-toi, Tyrone. Lève les mains en l'air. Lève les mains. Votre truc à vous, c'est de nous tirer dans le dos, hein. T'as applaudi quand ces salopards de l'IRA nous ont déclaré la guerre l'année dernière, hein. Tu sais qu'ils posent des bombes dans les cinémas. À Londres, à Manchester, dans les postes, les gares, le métro. T'as entendu parler de ça ? T'en penses quoi, l'Irlandais ? C'est qu'un gamin. Ta gueule, toi ! C'est au morveux que je parle. Laisse tomber. Retourne-toi. Tu peux baisser les bras. Tu viens nous aider à gagner la guerre, c'est ça, morveux ? Parce qu'autrement, il n'y a rien à voir ici, tu comprends ? Les traîtres, on les pend. On a assez à faire avec Hitler, c'est clair ? Bon, écoutez-moi ! Vous entrez au Royaume-Uni ! Ici, pas de Valera, de neutralité, toutes vos conneries de papistes ! Et si vous n'êtes pas d'accord, vous faites demi-tour maintenant ! J'ai croisé le regard silencieux de Lawrence. Il disait de me taire, le front contre la bâche, les mains toujours levées. Alors j'ai baissé la tête, comme lui, comme maman, comme mes frères et mes sœurs. As down by the glen one Easter morn, to a city fair rode I. C'était Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon, avec Marc Barbet, Aurélia Petit, Serge O'Sullivan, Cyril Botorel, Pauline Ziadé, Valérie Moinet, Rémi Goutalier, Laurent Lederer, Laurent Besançon, Norbert Ferrer. Merci au capitaine Basso et au personnel du camp de gendarmerie de Bennes. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. While the world did gaze with deep amaze at those fearless Fearless men, but few who bore the fight that freedom's light might shine through the foggy dew.